إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 11 dans les durus de Kashf al-Shubuhat, l'explication du livre Kashf al-Shubuhat par le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. الشيخ الذي إذن فالله عز وجل لا نظير له ولا كفء له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا شريك له في شيء من العبادة أو الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة بل هو المتصرف بكل ذلك وحده لا شريك له فبطل قول هؤلاء الذين يقولون إن المشركين لم يكفروا بدعائهم واستغاثتهم بالملائكة والصالحين وإنما كفروا لأنهم مجدوا الملائكة وقالوا الملائكة بنات الله والشيخ أجابهم بأن قولهم الملائكة بنات الله هذا كفر مستقل ولو كانوا من أهل التوحيد ما أشركوا في العبادة Donc ici on continue la partie qu'on expliquait la dernière fois au sujet de ceux qui ont fait une distinction entre le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un fils ou une fille, parmi les exemples des mushrikines, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme les chrétiens qui ont attribué à Allah un fils, et les mushrikines qui attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala des filles, qui disaient que les anges sont les filles d'Allah, eh ben. Et on continue à expliquer ceux qui font la distinction entre ça et le fait d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les mushrikines, parmi les shubuhats qu'ils ont amenés, c'est de dire que, yani, si tu dis que, si tu invoques autre que Allah, ça c'est pas grave. Et les mushrikines, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur kufr et leur shirk, c'était pas d'invoquer autre que Allah. Et le kufr et le shirk des chrétiens et des autres, c'est pas d'invoquer autre que Allah, mais c'est plutôt parce qu'ils disent que Allah a un fils ou une fille ou des choses de ce genre. Et donc le cheikh il a expliqué que les deux sont une forme de kufr séparée, c'est-à-dire ça c'est un kufr et un shirk, et l'autre aussi c'est le shirk. Donc c'est deux shirks différents. Il faut pas dire que un est shirk et l'autre ne l'est pas. Et il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est pareil comme lui, et il n'y a rien qui lui est égal. Il n'a pas de fils, il n'a pas de compagne, il n'a pas de partenaire, d'associé, dans quoi que ce soit de l'adoration, ou de la création, ou de la subsistance qu'il donne, ou du fait qu'il fait vivre et qu'il fait mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est lui seul qui s'occupe et qui dirige toutes ces choses-là. Et lui seul. Et il n'a pas d'associé. Donc, la parole de ceux qui veulent faire une distinction et qui essaient de dire que les mouchriquines, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient pas mécru par leur invocation ou le fait qu'ils ont cherché le secours des anges et des hommes pieux, mais qu'ils ont seulement mécru parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah ou que Isa est le fils d'Allah et des choses de ce genre. Le cheikh, donc, il répond à ça en disant que ça c'est un couple séparé. Et l'autre, le fait d'invoquer autre qu'Allah, ça aussi c'est un couple et un shirk séparé. Et si ces gens-là étaient vraiment des gens du tawhid, ils n'auraient pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et ils n'auraient pas dit cette parole-là. Le cheikh ensuite il dit « Wal-maqsoud » أن دعاءهم واستغاثتهم بالملائكة والأنبياء والصالحين هذا كفر وشرك مستقل، ونسبتهم إلى الله الصاحبة والولد كفر أيضا، فهم جمعوا بين أنواع الشرك المتعددة والأصناف المختلفة، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقالوا إنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، وهذا قول قول من كان يدعوهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد، لأنه ظهر والناس في جاهلية إلا من رحم الله من خلقه، والدنيا كلها ظلام لقلة المعلم، ومن وجد وادعى أنه من أهل العلم تجده من أهل الشرك ومن دعاة الوثنية من أجل أن يبتز أموال الناس ويضللهم ويلبس عليهم دينهم، فنشأوا على أن دعاء الأولياء وزيارة القبور والاستغاثة بأهلها وعبادة الأصنام في الجبال وغيرها والمنحوت من الأخشاب والأحجار التي ابتلوا بها وفتنوا بها لا حرج فيه، بل ذلك عبادة ترضي الله، وهو شرك أكبر حرمه الله عز وجل بنفس القرآن، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس السنة، وقاتل صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكافرين، وهم يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ويحييهم ويميتهم، ولكنه قاتلهم لأنهم لم يقروا بأن الله هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه، سواء كانت نداء أو استغاثة أو رهبة أو رغبة أو ذبحا أو نذرا، كل ذلك لا يجوز إلا لله وحده دون سواه. الشيخ الزيكر كيف كيف expliquer ici c'est que le fait qu'ils invoquent et qu'ils cherchent le secours des anges et des prophètes et des hommes pieux, ça c'est un kufr et un shirk indépendant du fait d'associer un fils ou une fille à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'associer un fils ou une compagne ou un fils à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un kufr aussi. Donc les mouchriquins en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent diverses formes de shirk ensemble. Hein, c'est pas seulement, parfois les mouchriquins, ils font une forme de shirk seulement, c'est-à-dire ils invoquent autre que Allah, mais parfois, non seulement ils invoquent autre que Allah, mais en même temps ils rajoutent d'autres formes de shirk à ces formes de shirk-là. Par exemple, ils invoquent autre que Allah, puis ils disent qu'Allah a un fils en même temps. Hein. Donc ça c'est deux formes de shirk ensemble, mais il y en a qui font juste un ou l'autre. Mais une seule de ces formes-là suffit pour dire que quelqu'un est en dehors de l'islam et qu'il a quitté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après le cheikh il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les mouchriquins. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, et les mouchriquins de l'époque du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il disait, nous on n'a pas dit qu'Abdul Qadir est le fils d'Allah, donc on n'est pas des mouchriquins. vois. Et ils disent, nous on n'a pas dit Abdul Qadir et le fils d'Allah. Donc quand on dit Ya Abdul Qadir Arifna, quand on demande le secours de Abdul Qadir al-Jilani pour qu'il nous vienne en aide, on ne dit pas qu'il est fils d'Allah, donc c'est correct. On peut invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là. Et ça c'est l'égarement et l'ignorance en fait. Parce que c'est ça le shirk, d'invoquer autre que Allah ou d'offrir à autre que Allah une forme d'adoration. Donc le cheikh dit هذا قول من يدعوهم. Le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il invoquait des gens qui disaient des paroles comme ça à son époque. Quand il les appelait au tawhid, eux ils lui répondaient avec ces shubuhats, des shubuhats de ce genre. Parce qu'il est apparu alors que les gens étaient dans une ignorance, excepté une petite parmi sa création à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait fait miséricorde, mais le reste en général était dans une grande ignorance profonde. Et le cheikh il dit que la dunya était remplie de ténèbres et d'obscurité parce qu'il y avait peu de gens qui enseignaient aux autres le vrai message de l'islam. Donc le cheikh il dit, et ceux qu'on trouvait et qui se prétendaient être comme faisant partie des gens de la science et des gens de elle, et bien tu trouves qu'en réalité il fait partie des gens du shirk et des gens de l'idolâtrie. Et qu'ils profitent des gens pour essayer de leur soutirer de l'argent, hein, ils les laissent faire le shirk pour en profiter de leur ignorance et leur soutirer de l'argent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ils les égarent et ils leur cachent les choses de la religion et ils leur mélangent leur religion, hein, pour les confondre. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils ont donc grandi dans l'invocation des saints, la visite des tombes. Et quand on dit la visite des tombes, on ne parle pas de la visite qui est shar'iyya, c'est-à-dire la visite qui est légale, qui est permise, c'est-à-dire quand tu vas visiter un cimetière ou un tombe pour demander à Allah de pardonner les gens qui sont enterrés dans ces tombeaux-là, et pour se rappeler de la mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur » فالآن زوروها فإنها تذكركم الموت. Avant je vous avais interdit de visiter les tombeaux, mais maintenant je vous permets de le faire parce que ça vous rappelle de la mort. Donc au début de l'islam, quand les gens étaient nouveaux dans la religion et qu'ils étaient très près du shirk qu'ils venaient de quitter, ils leur interdisaient de visiter les tombeaux. Pourquoi? Pour pas que leur conception pré-islamique se mélange avec des pratiques de l'islam, il commence à faire des formes de shirk dans les cimetières. Alors il leur a interdit d'aller dans les cimetières au début. Puis par la suite, une fois que le tawhid était bien ancré dans leur cœur et qu'ils avaient bien compris les principes de l'islam, il leur a permis, il leur a dit « Al-an fazuruha » Maintenant vous pouvez les visiter parce que ça vous rappelle de la mort. Pas pour aller invoquer les gens qui sont enterrés pour leur demander des biens, pour leur demander de vous sauver ou de vous guider ou de vous donner quoi que ce soit dans la dunya ou dans l'akhira, mais uniquement pour invoquer pour eux, c'est-à-dire dans le sens que tu demandes à Allah de les pardonner, de leur faire miséricorde, hein, de les faire entrer au paradis, hein, pour eux, pas toi que tu leur demandes, tu demandes pas à eux pour toi, tu demandes à Allah pour eux de les pardonner, des choses de ce genre, d'accord? Donc c'est ça la visite qui est selon la sunna, mais ces gens-là, leur visite des tombes, c'est autre chose. C'est une visite des tombes qui est dans le but de demander aux gens qui sont enterrés dans ces tombes-là de leur venir en aide ou des choses de ce genre. Ou également, ils ont grandi dans le fait de chercher le secours des gens qui sont enterrés, comme on a dit, et l'adoration des idoles et des montagnes, hein, dans les montagnes, ils adorent des roches et des pierres ou des arbres ou des trucs de ce genre. Ça tu trouves ça dans les pays musulmans où des gens vont dans des endroits de la nature où il y a des choses, parfois il y a, dans certains endroits il y a des choses un peu particulières, hein, ils vont trouver par exemple une petite grotte ou un arbre qui a une forme bizarre différente des autres, ou bien une roche qui est sacrée, soi-disant sacrée, ils attribuent à cette roche des qualités spécifiques ou des choses comme ça, et ils vont à cet endroit-là pour pouvoir performer certaines formes d'adoration. Peut-être qu'ils vont dire qu'à cet endroit-là, il y a un djinn, et qu'ils vont aller égorger, par exemple, pour le djinn, pour demander des faveurs à ce djinn, ou des choses de ce genre. Et ils font des rituels, ils inventent des rituels. Hein, j'ai vu une fois dans un livre qu'il y avait une certaine grotte, et les femmes allaient là-bas, ils jetaient un petit peu d'eau, hein, et puis après ils passaient dans un trou. La grotte était étroite à un certain moment donné, donc ils invoquaient le djinn pour pas que le djinn fasse écraser la grotte sur elle. Hein, c'était souvent des femmes qui allaient là-bas, et là elles passaient à travers, puis c'était comme une sorte de rituel, yani. Quand tu passais à travers ça, tu étais soi-disant purifié, hein, puis à la sortie tu devais donner une sadaqa à quelqu'un qui était assis là, qui s'occupait des lieux, hein. Tout ça de trucs bizarres là, ils allumaient des chandelles et des trucs comme ça. Donc ça c'est des exemples de shirk que les gens font dans ces endroits là, hein. Ils adorent les roches et les arbres et les montagnes, des trucs comme ça. Et le cheikh il dit, non, donc ils ont eu la fitna par ces choses là, et ils croient qu'il n'y a pas de problème de faire ça, que c'est pas grave. Et ils disent que c'est une adoration qu'Allah accepte, et il agrée cette adoration-là. وَهُوَ شِرْكٌ أَكْبَرْ حَرَّمَهُ اللَّهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ. C'est une forme de shirk majeur, c'est-à-dire que c'est une forme de shirk majeur qui fait quitter quelqu'un l'islam, et qu'Allah a interdit par les textes clairs du Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit par la sunna authentique, et il a combattu ces kuffars-là à son époque, hein, qui témoignaient que Allah était leur créateur et celui qui leur donnait leur subsistance et qui les faisait vivre et qui les faisait mourir. Hein. Les mouchriquins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils affirmaient tout ça. Ils affirmaient que Allah c'était leur créateur, c'était leur raziq, celui qui donne la subsistance, celui qui les fait vivre, celui qui les fait mourir. Malgré tout ça, ils associaient avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Il les a combattus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, wa alaykum salam, Allah il dit, walakinnahu il dit, وقاتل صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكافرين وهم يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ويحييهم ويميتهم ولكنه قاتلهم لأنهم لم يقروا بأن الله هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. Il les a combattus parce qu'ils n'ont pas voulu affirmer que c'est seulement Allah qui mérite qu'on lui offre une adoration quelconque. Lui seul, en dehors de toute autre créature. Peu importe que cette adoration-là soit une invocation, ou un appel, à l'aide, ou au secours, ou bien une crainte, ou bien un amour, ou bien de fait de sacrifier ou d'égorger, hein, un animal pour autre que Allah, hein, des choses de ce genre. Tout ces d'égorger, de sacrifier un animal ou de faire un vœu, toutes ces choses-là doivent être uniquement faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis de faire ces actes d'adoration-là pour quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à lui seul que on doit vouer un culte à Allah seul. Ensuite, le cheikh il dit, cheikh Muhammad bin Wahhab, il donne un autre exemple de shubha. Il dit, wa in qal, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Faqul, hadha huwa al-haq, walakin la yu'badun, wa nahnu lam nadhkur إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Le cheikh il présente une autre des shubuhat des mushrikin. Ils disent par exemple, cheikh il dit, Et s'ils te disent, ou s'ils disent, certes, un verset dans le Coran, certes les awliyas d'Allah, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah, les gens qui sont rapprochés d'Allah, qui ont la crainte d'Allah et qui sont proches d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Okay? Donc, ils utilisent ce verset-là pour dire, en voulant dire, regardez, Allah, dans le Coran, il a mentionné que les awliya, ils ont un degré élevé auprès de lui et qu'ils sont ils n'auront aucune crainte et ils vont être ils ne seront pas attristés. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un privilège ou une position spécifique, une position spéciale. Et le chef lui répond en disant, oui, ça c'est la vérité. Toutefois, on ne doit pas les adorer. On ne doit pas leur offrir une adoration. Et nous, on a juste parlé du fait que il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas adorer quiconque avec Allah et les associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Toutefois, c'est une obligation pour nous d'aimer les gens qui sont rapprochés d'Allah et qui obéissent à Allah et qui croient à Allah et qui craignent Allah. C'est une obligation pour nous de les aimer et de les suivre et de croire en et d'accepter et de reconnaître les miracles qu'ils font. Et celui qui rejette les miracles que les awliya font, il fait partie des gens d'égarement et d'innovation et de bid'ah. Et le chef dit donc que la religion d'Allah, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. C'est une guidance entre deux égarements et c'est une vérité entre deux mensonges ou entre deux faussetés. Donc, il y a un extrême puis il y a l'autre et nous, on est au juste milieu. Il y a ceux qui exagèrent au niveau des awliya et qui les adorent en dehors d'Allah, et il y a ceux qui dénigrent les awliya et qui les rabaissent, hein, et qui ne leur donnent pas le respect, et nous on est entre les deux, on respecte les awliya, on leur montre, on leur donne leurs droits, en même temps on ne les adore pas, et on les élève pas à des niveaux hein, qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le juste milieu entre les deux extrêmes. Et le cheikh en fait, il mentionne ça, et il y a une clarification plus détaillée qui suit, inshallah. Le cheikh dit, والشبهة الثانية التي كان يدلي بها المشركون من مشركي هذا العصر وهذا الزمان قولهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا إن هؤلاء الأولياء الذين أثنى الله عليهم ورفع قدرهم هؤلاء نحن لا نعبدهم ولا نطلب منهم قضاء الحوائج رأسا أو دفع الشرور ولكن نتوسل بهم ونتوسط ونستشفع بهم فينادونهم في أضرحتهم و يبينون لهم الحاجات كما زعموا بكل خضوع وتذلل ويطلبون منهم أن يرفعوها إلى الله وهم ينتظرون ولا يرجعون إلى الله بالدعاء ولكن يرجعون إلى صاحب الضريح الذي بني له في المسجد وزين ضريحه بالكسوة والبخور والتجميل فتنة للناس والغالب على كثير من الناس الجهل فعندما يقول لهم المروجون للشرك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون معناه اقتربوا منهم وإن كانوا قد ماتوا واستشفعوا بهم وتوسطوا بهم عند الله لأنكم قوم عصاة وإن دعوتهم لا وإن دعوتم لا يستجاب لكم وإن طلبتم من الله إزالة الضر لا يزيله عنكم ولكن واسطتكم هؤلاء ويعني الشيخ دي فأوقعهم حينئذ في الشرك الأكبر الشيخ اللي explique إلى دوزيام شبهة c'est une des شبهات que les mouchriquins parmi les mouchriquins de notre époque, ils jettent souvent sur les gens, il leur lance cette choubha en disant le verset 62 dans Sourate Younes, certes, les awliya d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Hein? Donc le chef il dit, ceux-là, ils ont dit, ceux-là, les awliya que Allah a glorifié, il a élevé leur niveau, nous on les adore pas, on fait juste leur demander, il dit, on les adore pas et on leur demande pas directement de régler nos problèmes et nos besoins et d'éloigner du mal pour nous. Mais on les utilise comme des moyens, hein, on les prend comme un wasila, comme un moyen, ou bien on les prend comme des wasa'it, c'est-à-dire des intermédiaires, ou on les prend comme des shufa'a, des intercesseurs, d'accord. Et donc, le cheikh il dit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils les invoquent, ils vont à leur tombe, là où ils sont enterrés, et ils ont construit dessus un monument ou bien un sanctuaire ou un mausolée ou n'importe quelle autre construction qu'ils font par-dessus, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire, et eux ils font ça sur leur tombe pour les honorer, soi-disant, et ils commencent à leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont besoin, hein, on a tel problème, et hein, on a besoin de l'aide, on a besoin de telle chose, hein, ma sœur elle est malade, ou mon père est malade, ou ma mère elle est malade, elle a tel problème, il faut la guérir, ou bien mon frère il veut aller étudier en telle université, il veut être accepté, on a besoin d'aide pour ça, ou bien ils vont demander par exemple, ma femme ne peut pas accoucher, ou bien ma fille ne peut pas avoir d'enfant, il faut l'aider pour accoucher, des trucs comme ça, et ils vont donc à la tombe pour demander ça au wali. Et eux, ils s'imaginent, hein, ils font ça avec toute une humilité puis une soumission totale pour le wali, et là, ils leur demandent de ramener cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils mettent leur espoir et leur attente, non pas en Allah subhanahu wa ta'ala par leur dua, mais ils attendent l'espoir, ils ont l'espoir et l'attente du wali, de la personne, ou bien du soi-disant wali, de celui qui est dans la tombe, sur lequel on a construit une mosquée, et sur lequel on a décoré sa tombe, hein, ils ont mis toutes sortes de décorations, des parures, des gravures, hein, comme le cheikh dit même, vous savez qu'est-ce qu'ils mettent sur la Kaaba, hein, sur la Kaaba, elle est revêtue par une kiswa, elle est revêtue par un tissu noir. Eh bien, eux, ils font ça avec la tombe du wali, soi-disant, ils la font comme la forme, des fois, comme la forme d'une Kaaba, hein, et puis ils mettent par-dessus sa tombe un drap ou un tissu pour le décorer, hein. Et puis ils font brûler de l'encens et ils les décorent avec des grillages dorés et toutes sortes de trucs comme ça, hein. Donc la majorité des gens, hein, ils se laissent tromper par ça. Ils voient ça, puis ils s'imaginent que c'est bien et que c'est correct. Et la plupart des gens, ils sont ignorants malheureusement. Et lorsque ils vont voir ces gens, les gens qui vont pour faire la propagation du shirk, ils leur donnent des versets comme ça. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les awliya d'Allah, ils n'auront nulle crainte, ni ils seront attristés. Et donc, ils leur lancent des versets comme ça. Et le cheikh, il dit, eux, il leur explique que ça, il dit, ma'nahu iqtarabu minhum. Eux, ils leur disent, ceux qui propagent le shirk, ils disent à ces gens-là, qui viennent à la tombe, rapprochez-vous d'eux, même s'ils sont morts, hein, et demandez-leur l'intercession, et demandez prenez-les comme des intermédiaires auprès d'Allah, parce que ce sont des hommes pieux, et vous êtes des pécheurs. Hein, et si vous faites des du'as, Allah ne va pas vous répondre parce que vous n'êtes pas des bons musulmans. Donc, demandez à eux, puis eux ils vont vous enlever votre mal et votre problème. Walakin, il dit, quand ils font ça, quand ces gens-là qui propagent le shirk, ils les invitent à faire ça, en réalité, ils les amènent à quoi? Ils les amènent à tomber dans le shirk majeur, le shirk al-akbar. Et le shirk dit, « لأنهم بمجرد أن ينادي المكلف العاقل الولي ويدعوه ليرفع حاجته إلى الله كان بذلك مشركا شركا أكبر ونحمد الله أن بيان هذا الجانب قد حصل من كثير من أهل العلم بوسائل النشر المتعددة كوسيلة الأشرطة ووسيلة الإذاعة ولا سيما إذاعة القرآن الكريم وما فيها من البرامج المكثفة في شرح عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك والتنصيص على ما يفعل اليوم في معظم العالم الإسلامي من فتنة القبور وشرك القبور الذي استهانوا به وظنوا بأنه أمر سهل ليس بشرك وإنما هو توسط واستشفاع وتوسل ونحو ذلك من الأقوال الباطلة المنكرة. Qu'est-ce qu'il dit, le chef? Il dit parce que du moment que la personne du moment qu'une personne a atteint l'âge de puberté et qu'elle a toute sa raison, du moment qu'elle a appelé, elle a invoqué le wali et qu'elle lui demande au wali de ramener son problème à Allah, de ramener sa demande à Allah, il devient par ce fait-là un mushrik, un idolâtre, quelqu'un qui est associé avec Allah et c'est un shirk majeur. C'est-à-dire il a fait un shirk akbar qui le fait quitter l'islam. Et le cheikh il dit, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on louange Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a clarifié cet aspect de la religion et qu'il a fait en sorte que beaucoup de gens ont acquis une connaissance à ce sujet-là par les moyens de transmission de connaissances qui sont diverses, comme les cassettes, la radio, et en particulier il mentionne l'émission, la radio de Iza'atul Qur'an al-Karim, qui est un canal de radio en Arabie Saoudite qui prêche, qui fait la prêche et qui envoie des cours et la récitation du Coran et des durus et toutes sortes de choses. Et dans cette radio-là, il y a également des programmes religieux qui expliquent le tawhid et la aqida et qui avertit contre le shirk. Et il y a également la mention du fait que ce que la plupart des gens font aujourd'hui, dans la grande partie du monde musulman, parmi les exemples des gens qui sont tombés dans le shirk avec les tombes, et qui ont pris ça à la légère, et qui ont cru que ça c'est une chose, c'est pas grave. Ils ont dit, c'est pas grave, c'est pas shirk ça. C'est seulement de demander un intermédiaire ou un intercesseur, et de prendre un moyen pour arriver à Allah. Et ils disent des exemples comme ça pour essayer de diminuer la gravité puis le danger de ces formes de shirk dont le shirk mentionne, que le shirk mentionne. Après le shirk, il dit, le shirk Mohammed Abdul Wahab, il explique, il dit, « فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الْاِعْتِقَادِ هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الناس فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء أما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل أضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. Donc, on va expliquer cette partie. Le Cheikh il dit, une fois que tu as compris ça, tu vas comprendre que ce que les mouchriquins aujourd'hui appellent l'intiqad, les tawassul, hein, et des choses de ce genre, c'est le shirk au sujet duquel Allah a fait descendre le Coran pour avertir contre lui, hein, pour avertir de ce shirk-là. Il l'appelle l'intiqad, il l'appelle tawassul. Il l'appelle istishfa, il l'appelle, il y a d'autres noms de ce genre, pour essayer de diminuer de sa gravité, pour essayer de tromper les gens. Mais c'est le shirk au sujet duquel Allah a fait descendre le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les gens à cause de ce shirk. Donc il dit, sache que le shirk des gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam était moins grave que le shirk des gens d'aujourd'hui, pour deux raisons. Ça c'est quelque chose qu'on a mentionné déjà, mais le shirk il explique en plus en détail. Il dit le shirk des gens du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur shirk à eux était moins grave que le shirk des gens aujourd'hui qui disent la ilaha illallah, parmi certains qui disent la ilaha illallah et qui adorent les gens qui sont dans les tombes et qui leur demandent de l'aide et l'intercession, hein. Le shirk dit pourquoi c'est plus grave leur shirk. C'est parce que le shirk dit que les gens du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des gens qui étaient peut-être même avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient uniquement le shirk, hein. C'est-à-dire le shirk dit ils n'invoquaient les anges et les prophètes et les idoles que lorsqu'ils étaient en sécurité et qu'ils avaient tout qu'est-ce qu'ils avaient besoin, quand ils étaient bien, hein. Quand tout allait bien, là, ils invoquaient les idoles, ils oubliaient Allah. Mais, quand ils avaient des difficultés et des problèmes, là, ils revenaient et ils adoraient uniquement Allah dans leur dua, dans leurs invocations. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, et lorsqu'un mal les touche dans la mer, il s'égare, vous oubliez, hein, vous laissez tout ce que vous adorez, acceptez, tout ce que vous invoquez, acceptez Allah, acceptez lui. Mais lorsque on vous a sauvé sur la terre ferme, hein, vous êtes revenu sur la terre, vous avez été sain et sauf, là vous vous détournez. Et le Cheikh et Allah subhanahu wa ta'ala, il finit le verset en disant et l'être humain est certes ingrat. Hein. Et ça c'est le verset 67. Dans Surat al-Isra. Donc, il montre l'exemple que lorsque les gens, ils ont un problème sur la mer, ils croient qu'ils vont périr, hein, quand il y a une tempête ou il y a des grosses vagues et tout, ils ont peur, et là, ils commencent à invoquer Allah seul. Ils oublient leurs idoles. Puis quand ils reviennent sur la terre ferme, là, ils retournaient à leur idolâtrie. Et après, il dit, l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est le verset 40 et 41 dans Surat Al-An'am, Allah il dit, voyez-vous si le châtiment d'Allah vous arrive, ou bien si l'heure vous arrive, est-ce que vous allez invoquer autre que Allah si vous êtes véridique? Est-ce que c'est autre que Allah que vous allez invoquer si vous êtes véridique? Et l'autre verset ça dit après, certes, c'est lui seul que vous allez adorer. C'est-à-dire, certes, lorsque vous allez avoir un malheur, ou si un châtiment d'Allah vous tombe dessus, ou si l'heure arrive, c'est Allah seul que vous allez invoquer pour qu'il vous libère ou qu'il vous sauve de qu'est-ce que vous avez eu comme malheur. Et vous laissez tomber ce que vous avez associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour que Allah exauce ce pourquoi vous l'avez invoqué, s'il veut, et vous laissez tomber ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre dua. Donc, quand il y a un problème, ou quand il y a un châtiment d'Allah qui arrive, ou quand il y a quelque chose, un problème, là vous retournez à Allah, mais quand vous êtes en sécurité, vous retournez à associer d'autres avec lui dans l'adoration. وَقَوْلُهُ Un autre verset dans Sourate Zumar, le verset 8, c'est un peu le même signification, et lorsque l'être humain est touché par un mal, il invoque son Seigneur en revenant à lui repentant. Puis, quand un bien le touche, ou une grâce d'Allah le touche, il oublie la chose pour laquelle il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala auparavant. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il donne à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux pour l'égarer du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad à ces gens-là, jouissez de votre mécréance un peu, une courte durée, car vous êtes déjà qui seront dans l'enfer. Innaka min ashabin nar, tu seras parmi les gens du feu. Après, il mentionne un dernier verset dans ce sens-là, dans Sourate Luqman, verset 32, qui dit « Et lorsque des vagues énormes, comme des ombres, les recouvrent, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. » Quand ils sont dans la mer, encore une fois, ils ont des problèmes, il y a des grosses vagues, « Wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. » Ils ont des problèmes, il y a des grosses vagues et tout, là ils ont peur, ils invoquent Allah seul. Et là quand ils sont revenus sur la terre ferme, ils oublient Allah, ils retournent à l'adoration d'autre que lui. Donc, ça c'est le passage qu'on a lu, puis là on va continuer. Il dit, فَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي وَضَّحَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين الشرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. Donc, نعم. Nous on avait lu ça, on a lu ça, maintenant on est rendu à lire l'autre explication maintenant. Qu'est-ce que ce dernier passage que je viens de lire, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a bien compris, une fois que c'est clair que tu as bien compris cette question dont on vient d'expliquer, ça c'est la première différence. La première différence entre les mouchriquines d'avant et les mouchriquines d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on va commencer à expliquer celle-là, et après on va expliquer la deuxième. Il dit donc, celui qui a bien compris cette question-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre, c'est-à-dire que les mouchriquines, les idolâtres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, ils invoquaient Allah, ils invoquaient Dieu, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ils associaient d'autres avec Allah dans leurs invocations, dans leurs prières. Donc ils voulaient pas juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul, Dieu seul, ils voulaient toujours essayer d'associer d'autres avec Allah dans leurs invocations et dans leur adoration. Il y a des gens qui s'imaginent que les idolâtres, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient uniquement les idoles. Et ça, c'est faux. Ils adoraient les idoles, mais ils adoraient également Dieu seul, le Créateur. Il savait qu'il y avait un créateur et un maître de toutes choses. Hein? Et il savait que les statues et les idoles et les représentations qu'ils avaient fabriquées, il savait que ce n'était pas ces statues et ces choses-là qui ont créé les cieux et la terre. Hein? Parce qu'ils savent, parce que c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées. Hein? Avant de l'avoir fabriquée, elle n'existait pas. Donc c'est sûr qu'il sait très bien que ce n'est pas cette statue qui a créé les cieux et la terre. Sauf qu'il prend cette représentation-là qui représente un homme pieux, ou un prophète, ou un ange, ou un saint, ou un esprit, ou autre chose, et il demande l'intercession de cette représentation-là pour aller à Dieu. Il le prend comme un intercesseur ou comme un intermédiaire, et c'est ça l'idolâtrie. C'est ça la base du shirk. C'est ça que tous les messagers de Dieu sont venus pour interdire. Hein? C'est ça le plus grand crime et le plus grand péché que quiconque peut commettre dans ce monde. C'est même le premier des commandements de Dieu. Hein? Que c'est Dieu seul que tu dois adorer et rien d'autre en dehors de lui. Donc, les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus, ils invoquaient Allah, ils invoquaient autre qu'Allah quand ils étaient bien. Quand tout allait bien, la vie est belle, il n'y a pas de problème, ils invoquent juste Allah. Ils invoquent Allah et les idoles. Quand tout va bien, ils invoquent Allah et ils invoquent leurs idoles. Mais quand ils ont un gros problème, détresse, un grand danger, ils ont peur, ils vont périr. Hein? Comme par exemple, ils sont dans la mer, il y a une grosse tempête, ou bien il y a un volcan qui commence à éclater, okay, qui rentre en éruption, il y a un tremblement de terre, hein, il y a une tornade, gros malheur qui arrive, là, tout d'un coup, ils oublient leurs idoles, et là, ils commencent à appeler Dieu seul. Hein. Donc ça, c'était les mouchriquins au temps du prophète, c'est-à-dire à l'époque, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'islam, appelait à adorer Dieu seul, c'était ça qu'ils faisaient. Mais les mouchriquins d'aujourd'hui, c'est différent. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala quand ça va bien, et, c'est-à-dire ils invoquent autre qu'Allah quand ça va bien, et également quand ça va mal, ni les deux. Hein. On va voir l'explication du shirk là-dessus. نعم الشيخ الزين لذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الشرك أهل زماننا أعظم من شرك من قاتله النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ثم بين ذلك بما قصه القرآن من صفات أولئك المشركين القدامى إذا كانوا في حال الرخاء أشركوا بالله وأقبلوا على عبادة آلهتهم وقربوا لها النذور وتمسحوا بها في حال الرخاء ولكن إذا ضاقت بهم الأمور ونزلت بهم الكروب لجأوا إلى الله عز وجل تاركين تلك المعبودات كلها وهذا بينه الله في القرآن في قوله الحق فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذا حال المشركين القدامى. نعم. Donc le cheikh il explique, il dit, l'imam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit, le shirk des gens de notre époque est plus grand que le shirk des gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque à lui. Et il a expliqué la raison de ça avec les versets qu'on a mentionnés dans le Coran, qui décrivent la situation et les caractéristiques des mouchriquins du passé, et comment ils étaient au temps, lorsqu'ils étaient bien, tout allait bien, ils associaient avec Allah, et ils adoraient leurs idoles, hein, et ils leur offraient des vœux et des offrandes et toutes sortes de trucs, et ils les frottaient, yani, quand tout allait bien, ils retournaient vers ces idoles-là. Mais quand ils avaient des problèmes, et quand ils avaient des difficultés, et lorsqu'ils avaient un malheur, là ils se tournaient vers Allah seul, et ils abandonnaient leurs idoles. Et Allah l'a expliqué ça dans le Coran, dans le verset, dans Sourate Al-Ankabut, le verset 65, Et lorsqu'ils montent dans un bateau, ils invoquent Allah seul, en lui vouant un culte exclusif, ils l'adorent lui seul. Toutefois, quand ils reviennent à la terre ferme, les voilà qu'ils associent d'autres avec Dieu. Hein, ils adorent d'autres que Dieu. Hein. Donc ça c'est l'état des mouchriquins anciens, dans l'ancien temps ou dans le passé. أما حال المشركين المعاصرين في زمان الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وقبله وبعده في معظم العالم الإسلامي إلى يومنا هذا فإنهم يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة فتجدهم في حال الرخاء لا ينسون الولي ومن نسي الولي عيب عليه أي عاب عليه الناس وقالوا له أنت لا تعرف الولي ولا تعرف قدره وحقه إلا إذا نزلت بك شدة فهو يقرب القرابين وإما قرابين حولية أو نصف سنوية وإما على ما تعرف عليه وبئس ما تعرف عليه وإذا نزل الضر فمن باب أولى لا يلجأون إلى الله عز وجل الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه وإنما يلجأون ويضربون مئات الأميال بل من مسافات بعيدة لصاحب الولي كل إقليم من الأقاليم فيه من هذه الفتنة ما ملأت أو ملئت من بهم القبور وبقبورهم المساجد. الشيخ explique, il dit que en ce qui concerne l'état des mouchriquins actuels dans le monde actuel, à l'époque du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, ainsi que avant et après son époque, dans la plupart des pays musulmans et dans le monde musulman, jusqu'à aujourd'hui, on trouve que les mouchriquins, les idolâtres, lorsqu'ils ont quand ils sont dans une situation où tout va bien, et quand ils ont des difficultés, peu importe que ce soit difficultés ou des facilités, peu importe l'état, qu'ils soient bien ou qu'ils soient dans des malheurs, ils n'oublient jamais le saint, hein, d'aller adorer le saint et de prendre le saint comme un intermédiaire ou d'associer le saint avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un d'entre eux oublie le wali, hein, le saint, si un d'entre eux l'oublie, il commence à le blâmer et le critiquer, hein, et ils lui disent par exemple, les gens vont lui dire, quoi, toi tu connais pas le wali? Tu connais juste le wali quand, tu connais juste la valeur et le droit du wali lorsque tu as un malheur? Hein? Mais quand tout va bien, tu oublies le wali donc, hein? Ils font ça pour ils disent ça pour le wali mais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ils offrent au wali des sacrifices et des offrandes. Ils vont à la tombe du saint qui est enterré dans sa tombe, ils croient que c'est un homme saint, ils amènent une offrande, ils l'égorgent, ils le sacrifient pour lui, pour une faveur qu'il lui demande, ou quelque chose de ce genre, pour un vœu qu'il lui demande, hein. Et ils font ça par exemple une fois par année. Ils disent, à chaque année, il faut que j'aille sacrifier à la tombe d'un tel saint, telle affaire, chaque année, parce que sinon, hein, peut-être qu'il va m'arriver un malheur, où je ne vais pas avoir de bénédiction, ou je ne vais pas avoir ci ou ça, ou bien ils le font à chaque 6 mois, hein, c'est pour montrer leur reconnaissance soi-disant au wali. Et tout ça c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk, hein. Et le shirk il dit, c'est parce qu'ils ont connu ça, c'est là-dessus qu'ils ont grandi, et c'est ça qu'ils ont connu de la religion. Et comme c'est mauvais, qu'est-ce qu'ils ont connu, hein, ça n'a rien à voir avec l'islam, ces affaires-là, qu'est-ce que ces gens-là font. Et lorsqu'un malheur tombe sur eux, hein, et ben, au lieu de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'il n'y a pas de refuge ni de salut excepté en lui, vers lui, et ben, il se tourne vers les saints et vers les awliya et les hommes pieux. Et ils vont traverser des kilomètres. Hein, ils vont traverser des kilomètres et des centaines de kilomètres de distance pour arriver à la tombe d'un tel wali. Des fois, il est enterré peut-être, sa tombe, ils l'ont mis sur en haut d'une montagne. Ou bien ils l'ont mis quelque part très très très loin dans un endroit éloigné. Et donc, pour arriver là-bas, ils vont faire un long trajet, un long voyage. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils commencent à faire leur rituel et leur pratique, yani de shirk. Et le shirk, il dit que dans chaque région, parmi les pays, dans les pays musulmans, et dans chaque ville, dans chaque village, tu trouves qu'il y a une tombe avec une mosquée construite par-dessus, hein, où il y a un saint, soi-disant, qui est enterré, et les gens vont là-bas et l'invoquer et l'adorer et demander des faveurs de cette personne-là. Hein. Et tout ça, c'est, comme on a dit, des formes de shirk, des formes d'idolâtrie. Shirk dit ça, « Izan, فَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا زَادُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي عَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بأن أولئك يلجأون إلى الله في حال الشدائد ويتركون أصنامهم ومعبوداتهم في وأوليائهم أما في حال الرخاء فإنهم يشركون أما المشركون في العصر الحديث من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما بعده يشركون في حال الرخاء ويشركون في حال الشدة لذا قال الشيخ رحمه الله بأن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ البي. Donc on peut comprendre que, comme on répète encore une fois, les mushrikins de notre époque, ils ont rajouté encore plus de shirk, hein. Leur shirk est plus grave, plus laid, plus égaré, plus loin de l'islam que le shirk du temps des gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, ils disent pourquoi? Parce que ceux-là, ils se tournent vers Allah, ils se tournaient vers Allah quand ils avaient des difficultés et ils abandonnaient leurs idoles et ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah et ils abandonnaient également leurs, les hommes pieux. Mais quand ils avaient des situations de quand ils étaient dans le bien, quand ils n'avaient pas de problème, là ils revenaient au shirk et à l'idolâtrie. Mais les mushrikines d'aujourd'hui, qui disent la ilaha illallah et qui se disent musulmans parfois, hein, ben ceux-là, comme le shaykh il dit, depuis à l'époque du shaykh Muhammad Abdul Wahhab et après lui, ils font le shirk lorsque tout va bien et ils font le shirk quand ça va mal également. Et c'est pour ça que le shaykh a dit que les mushrikins de notre époque, ils sont, leur shirk est plus grave que le shirk des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. وهم وقت الشدة يلجئون إلى الله ووقت الرخاء يعبدون تلك الأصنام التي قلدوا فيها الآباء والأجداد وإن كانت يرون أنها إما حجر أو إما شجر وإما خشب وإما أي نوع من أنواع المعبودات الباطلة والآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله دليل على ذلك قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون أي أنهم يلجأون إلى الله في حال الشدائد بينما مشركوا هذا الزمان يلجأون إلى المعبودات في حال الرخاء وفي حال الشدائد. Donc le cheikh il veut expliquer les choses encore plus clairement en répétant encore une fois le point qu'il a mentionné et en expliquant que les gens d'aujourd'hui, lorsque ça va mal, ils se tournent. هم وقت الشدة يلجئون إلى الله وقت الرخاء يعبدون تلك الأصنام. Donc ça c'est les idoles du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient Allah seul quand ça allait mal, et quand ça allait bien, ils adoraient les idoles. Et ils avaient trouvé leurs pères et leurs ancêtres en train de faire ça, donc ils les avaient suivis aveuglément. La plupart des gens, c'est ça leur religion. Suivre ce que leurs pères et leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères faisaient, et ils ont trouvé ces gens-là en train de faire quelque chose, et ils disent on les suit. Sans jamais se poser la question, est-ce que ce qu'ils font c'est correct? est-ce que ce qu'ils font c'est en accord avec la révélation? Est-ce que ce qu'ils font c'est en accord avec ce que les prophètes a révélé? Et donc c'est ça le problème. Dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, c'est ça, c'est parce que les gens, ils suivent des choses que leurs pères et leurs grands-parents ont fait et ont suivi, et ils ne retournent jamais voir dans le Coran, ils ne retournent jamais voir dans la Sunna. Est-ce que ça, c'est en accord avec la révélation ou non? Hein? Donc c'est ça le problème, d'accord? Et donc c'est pour ça le cheikh il dit, il voit que ce qu'ils adorent par exemple, des roches, des pierres, des arbres, des morceaux de bois, hein, toutes sortes de choses comme ça, toutes ces formes d'idolâtrie là, des idoles qu'ils adorent qui sont fausses, comme le cheikh il mentionne le verset, c'est le verset 40 et 41 dans Surat Al-An'am, dit, Allah dit au messager, voyez-vous, si le châtiment d'Allah arrive sur vous, ou si l'heure du jugement arrive, est-ce que vous allez invoquer autre qu'Allah, si vous êtes véridique? Mais certes, c'est lui seul que vous allez adorer, c'est-à-dire c'est Allah seul que vous allez adorer, pour qu'il vous libère, ou pour qu'il vous dégage de la chose pour laquelle vous l'avez invoqué, s'il veut, et que vous laissez tomber, et que vous oubliez ce que vous adorez en dehors d'Allah, et ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre invocation. C'est-à-dire qu'il se tourne vers Allah quand tout va mal, et tandis que les mushrikines de notre époque aujourd'hui, ils se tournent vers leurs idoles, et vers ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, quand ça va bien et quand ça va mal également, les deux pareils, sans distinction. شيخ الزي والأمر الثاني من الفوارق التي فارق بها مشرك زماننا المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك كانوا يدعون أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء حقيقة وإما ملائكة وهؤلاء صالحون باتفاق وإما يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية والأشجار والأحجار والأخشاب هذه طاعتها لله تليق بحالها وشأنها خاضعة ومتذللة ومسبحة لله عز وجل كما في قوله الحق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فكل المخلوقات مسبحة لله أي خاضعة لله ومستسلمة لأمره. Donc le cheikh il dit que le deuxième point qui distingue les idolâtres de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les idolâtres les mushrikines de notre époque aujourd'hui, c'est le fait que les mushrikines de notre époque les mushrikines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là ils invoquaient des gens qui étaient réellement rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des prophètes, ou bien des gens qui étaient réellement des gens rapprochés, des gens saints, des gens vertueux, des gens qui étaient, qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon, ils invoquaient les anges, et ça, tout le monde en est d'accord pour dire que les anges, c'est des créatures qui sont obéissantes à Allah et qui sont vertueuses. Également, ils invoquaient des arbres et des roches et les pierres, hein, elles ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et les morceaux de bois non plus, ça c'est des créatures d'Allah qui par leur création sont des choses qui sont soumises aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elles ne sont pas des créatures qui désobéissent à Allah, de même que les arbres et les pierres et les morceaux de bois, toutes ces choses-là que ces gens-là prenaient comme des choses par lesquelles ils associaient d'autres choses avec Allah, ils associaient ces choses-là avec Allah, il dit, ça c'était des choses qui étaient, au moins, on dit que, même si, bon, ils adoraient autre qu'Allah, ils faisaient le shirk, mais ils faisaient le shirk avec ces personnes-là ou ces choses-là, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, comme les pierres et les roches et les morceaux de bois, etc., comme Allah il dit dans le verset 44 dans Surat al-Isra, il n'y a rien dans la création excepté qu'elle glorifie la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous ne pouvez pas comprendre leur glorification. D'accord? Donc toutes ces créatures-là, elles sont en train de glorifier Allah, et donc elles sont soumises et obéissantes aux commandements et aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mushriku zamanina, toutefois les mushrikines de notre époque, ils prennent comme intermédiaire et comme intercesseur et comme être qu'ils adorent en dehors d'Allah, des êtres qui ne sont même pas parfois des awliya et à qui on a attribué la qualité ou la caractéristique d'être un wali ou d'être rapproché d'Allah, alors qu'en réalité, peut-être que ce ne sont même pas des gens qui sont des gens pieux ou des gens vertueux, mais on leur a seulement attribué ces qualités-là, sans réellement connaître leur situation réelle et leur vrai état. Le cheikh l'explique, il dit « Amma mushriku zamanina fa innahum ya'buduna ma'budat yatawajjahuna ila Allah yatawajjahuna ila man yusammunahum bil awliya ولو كانوا من أفسق الناس ومن شرهم وأخبثهم كما يفعله غلاة الصوفية وكما يفعله من يقلد الصوفية لأن الصوفية تركوا الشريعة وقالوا لهم الحقيقة أما محمد صلى الله عليه وسلم عامة الناس لهم الشريعة وهم لهم الحقيقة يعني لا يحتاجون إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما زعماؤهم يتلقون الأوامر من الله فيوضات تفيض على قلوبهم هذه دعوة الصوفية التي جرت إلى الوثنية فهؤلاء المشركون مشركو زماننا يطيعون زعماء الصوفية في مثل هذا الشرك وفي دعوة أنهم يعلمون الغيب وأن بواسطتهم تقضى الحاجات وما شاكل ذلك وهم من أفسق الناس وهذا لا ينكره أحد من الصوفية الذين تركوا شرع الله الكريم وادعوا بأنهم أصحاب حقائق يتلقون الأوامر والتوجيهات من الله رأسا تنزل على زعمائهم وزعمائهم يوجهونهم فهم يدعون علم الغيب ويدعون بأنهم لا حاجة بهم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء من أكثر الناس وأشدهم خبثا وضلالا وتضليلا. Donc ici le cheikh il dit que en ce qui concerne les mushrikins de notre époque actuelle, ils adorent des choses et se dirigent vers des gens qu'ils appellent des awliya, alors que ce sont des gens les plus égarés et les plus désobéissants d'Allah subhanahu wa ta'ala et des plus mauvais et des plus corrompus parmi les créatures, comme la plupart des extrémistes parmi les soufis, ils font lorsqu'ils suivent les soufis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber la charia, c'est-à-dire la révélation, le Coran et la Sunna, ils le mettent de côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous on n'a pas besoin de la charia, parce qu'on a al-haqiqa, on a la réalité. Donc la charia, ça c'est pour les gens ordinaires, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens ordinaires. On a parlé de ça en détail dans nos durus sur le soufisme, hein, la réalité du soufisme, on a clarifié ça. Donc ça c'est un rappel en même temps, le cheikh il explique qu'ils disent la charia c'est pour les gens musulmans ordinaires, ceux qui ne sont pas avec nous dans notre secte ou dans notre groupe. Hein. Eux, ils vont se limiter aux règles de la charia, ils vont faire les règles de la prière, le jeûne, qu'est-ce qui est halal, haram, tout ça, ça c'est pour les gens simples. Mais nous, on est des gens qui avons des privilèges, on est particuliers, on est plus rapprochés d'Allah, on a la connaissance de la réalité de l'islam. Et donc, on n'a plus besoin de se limiter à qu'est-ce que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna. On a dépassé ce stade, hein, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ils disent que on n'a pas besoin de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on a nos chefs et nos chouyours, nos représentants, nos awliya qui reçoivent les commandements directement d'Allah, hein, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire comme le prophète pour avoir une révélation. Non, on n'a pas besoin de prophète ou de messager, on a directement des émanations divines qui tombent dans notre cœur et qui nous donnent des connaissances. Hein, et ça c'est une des prétentions des soufis qui a amené beaucoup de gens à tomber dans l'idolâtrie, hein, parce que ces mouchriquines là, les mouchriquines de notre époque, hein, ils les obéissent, ils obéissent les chefs parmi les soufis et les chouïrs soufis, et ça c'est, il n'y a pas de doute, une des formes les plus grandes de shirk, hein. Ils les obéissent là-dedans, et le cheikh il dit, ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible, ils connaissent le ghaib, ils peuvent même monter dans, hein, au-dessus des cieux et aller voir dans Al-Lawh Al-Mahfouz, qu'est-ce qui est écrit dans la table préservée dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de qu'est-ce qui va se passer jusqu'au temps des, jusqu'au dernier temps. Ils peuvent aller et voir qu'est-ce qui est écrit là-dedans, savoir leur destin et tout. Donc, ça c'est des exemples. Ou bien ils prétendent qu'ils reçoivent des révélations des anges, des trucs comme ça, et que à travers eux, par leur intermédiaire, ils peuvent régler et sauver, yani, les sauver de certains malheurs ou des difficultés, s'ils les prennent comme des intermédiaires dans leurs demandes, hein, et donc des choses de ce genre. Et ça, ça retourne au fait que, comme on l'avait expliqué dans notre cours sur les soufis, hein, qu'ils ont une aqida, une croyance au sujet des soufis, au sujet des shuyukh soufis, des awliya, et ils leur attribuent des connaissances, des attributs divins. Ils leur donnent des caractéristiques divines. Ils croient qu'ils connaissent l'invisible, ils croient qu'ils sont capables de contrôler qu'est-ce qui se passe dans le monde, hein, et des choses de ce genre. Donc, ça, ça retourne à leur notion de qu'est-ce que c'est un wali. Hein, et donc, c'est pour ça que lorsque les gens d'Ahl Sunnah ou Jama'a, lorsqu'on parle, nous, d'un wali, on parle de tous les musulmans qui ont la foi et qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont la crainte d'Allah. Hein? C'est pour ça que le verset qu'il mentionne, wa alaykum salam wa rahmatullah, le verset qu'il mentionne, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Oui, c'est vrai. Les awliya d'Allah, les gens qui sont rapprochés d'Allah, ils n'ont nulle crainte et ils ne seront point attristés. Mais ce sont qui ces awliya? Qui ils sont? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans la suite de ce verset-là. Il dit, Allahina amanu wa kanu yattaqun. Donc, pour être un wali, il faut que tu aies l'iman et que tu aies taqwa. Et donc, en réalité, tous les mu'minins parmi les musulmans, tous les musulmans rentrent dans cette définition de qu'est-ce qu'on appelle un wali. Et bien entendu, plus tu te rapproches d'Allah et plus tu t'éloignes de ce qu'Allah t'a interdit, et plus que tu te rapproches d'Allah en faisant ce qu'il t'a commandé de faire, ou ce qu'il t'a recommandé de faire, et bien plus tu vas être élevé dans ton degré de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu vas être un wali que Allah aime, hein. Et donc, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que tandis que pour les soufis, être un wali, c'est pas ça que ça veut dire. C'est une catégorie spéciale d'être humain qui dépasse même les limites de d'un simple être humain, yani. Ça rentre même des fois dans des caractéristiques divines, comme on a expliqué. Donc, ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible, et ils prétendent qu'ils reçoivent les ordres et les commandements et les recommandations directement de Dieu, hein, et qu'ils n'ont pas besoin de la charia. Et le cheikh, il dit que ça, c'est des gens qui sont les plus mécréants parmi les êtres, et qu'ils sont les plus corrompus, les plus égarés, et les plus forts dans le fait d'égarer les gens aussi. Et ça, cette chose-là, personne parmi les soufis ne va le nier. Ils vont pas le nier parce que ça fait partie de leurs enseignements. Et même si parfois ils peuvent essayer d'utiliser at-taqiyya, hein, at-taqiyya, c'est-à-dire quand ils rencontrent des gens qui sont pas des soufis, ils vont pas leur montrer ou leur dévoiler les détails de leur aqida ou de leur croyance. Ils le cachent. Eh non, la plupart des gens de Bid'a, ils utilisent at-taqiyya. Ils vont pas te dire en partant ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient. Ils vont essayer de te rapprocher à eux pour que tu leur fasses confiance. Ils vont te raconter toutes sortes d'affaires, hein. Puis une fois qu'ils ont gagné ta confiance et qu'ils pensent que ça y est, ils tombent dans le creux de leurs mains, là ils vont commencer à te jeter un peu de poison, petit par petit, jusqu'à ce que tu deviennes complètement, hein, gagné à leur manhaj et leur aqidah. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver directement dire ce qu'ils croient, direct. Tout le monde va rejeter qu'est-ce qu'ils disent. Si quelqu'un arrive ici, n'importe qui là, avec un gros turban large comme ça, hein, vert, et puis une grosse robe verte avec un tasbih d'un mètre, et puis qu'il dit ici, vous n'avez plus besoin de faire la salat parce que si vous êtes des soufis, vous êtes sauvé de l'enfer et que vous allez entrer dans le Jannah avec moi, je vais vous mettre sur mon dos, si vous avez des péchés, je vais vous mettre sur mon dos, vous allez rentrer au paradis sans problème. N'importe quelle personne rentre et fait ça là, personne ne va l'écouter. Hein, tout le monde va faire que c'est une égarée totale. Mais ils viennent avec les questions de zikr, et puis de khushur, puis l'exemple de l'apparence avec la barbe très longue et tout, pour montrer qu'ils ont une apparence de piété et d'adoration. Hein. Mais après, ils te jettent toutes sortes de petites choubouhat, commencent à t'appeler lentement à l'égarement jusqu'à ce que tu tombes dans leur bédard et que tu t'égares. Donc, c'est des exemples de taqiyya que ces gens-là utilisent. Et ça, les shi'a, ils utilisent ça, les soufis, ils utilisent ça, les khawar, ils utilisent ça, tous les gens, les ahbaj, ils utilisent ça, tous les gens de bédard, ils utilisent ça. Hein, taqiyya. C'est-à-dire, c'est de l'hypocrisie, en fait. Exactement. Il y en a parmi les soufis, c'est un autre de leurs trucs, qu'est-ce qu'ils font pour prétendre qu'ils n'ont pas besoin de suivre la sharia qu'on a dans le Coran et dans la Sunna. Ils disent, nous, on n'a pas besoin de suivre vos chouyours ou les livres ou qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous voir directement dans les rêves et il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et si des choses, par exemple, qu'ils font, qui sont contraires au Coran et à la Sunna, ils disent non, mais qu'est-ce que vous faites, vous, c'est pas correct. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il m'a dit que qu'est-ce que vous faites, c'est pas bon. Et donc, moi, je suis qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Hein. Et il y en a qui prétendent non seulement qu'ils le voient en rêve, qui prétendent qu'il le voit en état d'éveil, en plein jour, réveillé, hein, qu'il arrive et qu'il leur parle. Comme certains des chouyours parmi les soufis, hein, qui ont une tariqa qui est très répandue aujourd'hui, comme Ahmed Tijan, la tariqa Tijani, c'est ça qu'il prétend. Son livre Jawahir al-Ma'ani, il dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu et qui lui a dicté en plein éveil. Hein. Donc ça, c'est des exemples de balal. قال الشيخ الزواليزة قال الشيخ رحمه الله هنا وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس كما يدعو أحمد البدوي ويدعون أصنافا ممن تمرغوا في التصوف مثل الشاذلي والمغريني والدسوقي وغير هؤلاء ممن بعضهم علم من حالهم أو عن حالهم بأنهم من أفسق الناس وبعضهم مجهولون لا يدرى عن حالهم والذين يدعونهم هم الذين يزينون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون بمن يعتقد فيهم يشاهد فسقه وفساده ويشهد به وحقا أن من مات على تلك الحال وقد قامت عليه الحجة فهو من أهل النار ولا شك عندما يشاهد الإنسان رجلا فاسقا فاجرا يدعو إلى الانحلال من دين الله وارتكاب محارم الله وترك فرائض الله ثم يدعي فيه الفضل والقداسة والقدرة على جلب الخير ودفع الضر فهو من أسفه الناس أو أسفه الخلق. شيخ اللي explique ici, il dit que c'est pour ça que Cheikh Mohamed Wahab, il dit que parmi les gens de notre époque, il y a des gens qui invoquent avec Allah subhanahu wa ta'ala des gens qui sont parmi les plus égarés, les plus désobéissants parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui invoquent Ahmad al-Badawi. Hein, Ahmad al-Badawi s'appelle Ahmad ibn Ali ibn Ibrahim al-Badawi. Il est mort en 675 à la ville de Tanta en Égypte, et il a une grosse mosquée construite sur une tombe là-bas, et chaque année, il y a environ des millions, peut-être même 3 millions de personnes qui le visitent, sa tombe, chaque année, et qui lui offrent des sacrifices et des offrandes, hein, et qui vont lui demander des faveurs et des vœux. Donc, ça c'est un exemple de de certains parmi ces gens-là. Il est né à Fas, au Maroc, puis il est allé en Égypte, puis il est mort là-bas. Hein? Donc ça, c'est un exemple d'un d'entre eux que les gens invoquent. Il y a Badawi, hein, quand ils ont un malheur, ils l'invoquent. وَيَدْعُونَ أَصْنَافًا مِمَّنْ تَرَغَمُوا فِي التَّصَوُّفِ. Ils invoquent également d'autres parmi des gens de ce genre, il y en a comme, par exemple, Al-Shadili. Son nom c'est Abul Hassan Al-Shadili. Et vous allez voir parfois que ces soi-disant hommes-là, ils sont morts dans certaines régions du monde, mais on leur fait parfois des tombes honorifiques. C'est-à-dire, on sait très bien qu'ils ne sont pas morts à cet endroit-là, mais on leur construit une tombe artificielle pour représenter leur vraie tombe, puis là, les gens vont là-bas et ils offrent des adorations à ces endroits-là. Al-Hussein en Égypte, ils disent que il a été tué à Karbala, et ils disent que il a une tombe à Karbala, il a une tombe en Égypte. Et ils disent que c'est sa tête qui est enterrée en Égypte. Et les gens vont faire des pèlerinages à cet endroit-là en Égypte. Également, Abdel Qadir al-Jilani, il a des tombes dans la plupart des pays musulmans. Aussi parce que une des croyances des soufis, c'est que les saints, les awliya, ils peuvent se dédoubler. Oui, ils croient que c'est vrai. Ils croient que les awliya, ils peuvent se multiplier en différentes copies d'eux-mêmes, à différents endroits et vivre en même temps. Hein, il y en a un parmi les soufis, on disait dans le cours des soufis, on a lu une des citations. Il y a un des soufis, ils disent qu'il a fait le khutbah dans 50 villes le même jour, en même temps. Hein? Ça, c'est des choses, ça rentre dans la science-fiction. Hein? Donc, Al-Maghrini, et il mentionne également Ad-Dassouqi, et d'autres également parmi ceux-là, les gens, et ça, c'est parmi les gens les plus égarés, les plus désobéissants dans la frontale. Certains, on sait clairement et réellement que ce sont des gens qui sont pervers, qui sont perdus, et d'autres, ils sont inconnus, on ne sait pas rien à leur sujet. Et ceux qui les appellent, ils embellissent leur corruption. Hein. Il y en a parmi eux, par exemple, c'est connu qu'ils faisaient le zina, ils buvaient de l'alcool, ils le faisaient même par la salade, ils vivaient dans les poubelles, des fois dans les dépotoirs, et ils mangeaient avec les chiens, et ils prétendaient que ça c'était des hommes pieux, hein, et le chef il dit, donc celui qui croit, hein, qui croit par exemple comme les mouchriquines avant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les chrétiens par exemple qui croient, qui invoquent autre qu'Allah, il fait le shirk avec Isa ou avec un autre homme qui était pieux, salih, ou bien quelque chose qui désobéit pas à Allah, comme un morceau de bois, ou une pierre, ou une roche, c'est moins grave, c'est pas que c'est moins grave, c'est moins pire, disons, c'est pire, c'est mauvais, c'est grave, c'est shirk, c'est dolal, sauf que par rapport à celui qui invoque un homme qui est corrompu, qui est pervers, qui est désobéissant à Allah, eh ben, il y a une différence quand même entre les deux. Et ça, c'est ça le deuxième point, en fait. Le premier point, c'est que, le premier point qu'on a mentionné, c'est que eux ils faisaient ça, ils invoquaient les idoles uniquement quand ça allait bien, quand ça allait mal ils invoquaient Allah seul, tandis que ceux d'aujourd'hui ils invoquent quand ça va bien et quand ça va mal. Et le deuxième point, c'est que les gens d'avant, ils faisaient le shirk avec Allah, ils associaient des gens qui sont vraiment des prophètes, des hommes pieux ou des anges, tandis qu'aujourd'hui des gens ils associent à Allah des hommes qui sont complètement corrompus et désobéissants et en dehors de l'islam des fois, parfois, dans leurs croyances. Et des fois, donc, il dit, c'est ça là, le deuxième point, c'est que les gens d'aujourd'hui, leur shirk est plus laid et plus grave, justement parce que ils font cette distinction-là, ou ils ne réalisent pas cette différence-là entre le shirk du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le shirk d'aujourd'hui. Donc il dit, celui qui voit un homme qui fait toutes sortes de péchés et de désobéissances et qui appelle à l'égarement et à sortir de la religion d'Allah ou à faire toutes sortes de péchés et d'abandonner les obligations, hein, puis après il prétend que cet homme-là est un homme pieux et qu'il a la capacité de faire du bien, d'amener un bien ou d'éloigner un mal, et bien celui qui croit ça c'est une des plus stupide parmi les créatures. Il dit wal khulasa, nahmadullah tabarak wa ta'ala fi hadhihi al bilad ala al afiya min al shirk al akbar wa min al kufr wa nahmadullah ala nadafa al bilad min al adriha التي هي سبب كل شرك وسبب زوالها يعود فيه الفضل إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء ثم إلى من تسبب من العلماء الأحيار ومن الحكام الصالحين من آل سعود الذين تعاونوا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من بداية الأمر وبداية الدعوة الإصلاحية وهكذا استمرت دعوتهم جنبا إلى جنب الولاة مع العلماء مبتدئين بتصحيح الاعتقاد محاربين لكل شرك وبدعة وفساد والناس نشأوا على هذا في جميع أقطار هذه البلاد فالحمد لله أولا وآخرا والواجب الثبات على الحق وبيانه للناس ودعوة الناس دائما إلى المدارسة والمذاكرة في فن التوحيد وفن الاعتقاد حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها قدم بعد ثبوتها. Il dit pour conclure, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a sauvé ce pays, et pas de l'Arabie Saoudite, du shirk majeur et de la mécréance. Alhamdulillah que ce pays il est propre, il n'y a pas de tombes qui sont glorifiées ou adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je lisais l'autre jour une fatwa du Cheikh Ibn Baz, il dit, quel pays aujourd'hui qui appelle au tawhid? Dans quel pays aujourd'hui les gens appellent au tawhid et on a, disons, niblé les tombeaux des soi-disant awliya où les gens vont adorer et visiter ces tombes-là pour les invoquer en dehors d'Allah et leur offrir des adorations. Et donc, le Cheikh il dit, il n'y a pas vraiment d'autres pays qui font ça, à part l'Arabie Saoudite. Et donc ça c'est à cause de, le Cheikh il dit ça vient premièrement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mérite de ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est entre ses mains que toute chose, tout le royaume de toute chose est, c'est lui qui a le royaume qui possède toute chose entre sa main, wa kul shay, malakutu kul shay, thumma ila man tasabbaba, ensuite, ceux qui ont été une cause dans le fait que cette chose-là est arrivée, c'est-à-dire les ulama et les dirigeants qui ont été pieux parmi les gens de la famille de Al-Malik ibn Saoud, Muhammad ibn Saoud, qui a, avec l'aide du Cheikh Muhammad ibn Wahhab, au tout début, il a été capable de commencer cette da'wah de réforme pour contrer le shirk qui était répandu à l'époque dans la région, en Arabie, et il a commencé à appeler les gens au tawhid, et à appeler les gens à détruire les tombes, et à les niveler, et à amener les gens à l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à rejeter toute forme de bid'ah et de corruption dans le pays. Et le cheikh il dit, donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous donne, pour qu'il nous donne. Non, il dit l'obligation, c'est de rester ferme sur la vérité et de la clarifier pour les gens et d'appeler les gens tout le temps à étudier et à se rappeler tout le temps les différents sujets qui ont rapport avec le tawhid et qui ont rapport avec la croyance, l'aqidah, pour pas que notre pied glisse dans ce domaine et pour qu'on reste toujours ferme sur l'aqidah et sur notre croyance. Et il termine en disant wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, et le salut, on envoie le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad et sur sa famille et sur ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Donc ça vient terminer le dars d'aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine inshallah avec d'autres shubuhat des mushrikin et la réfutation de ces shubuhat. وإياكم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.